Bonjour à tous et à toutes et bonne année 2025. Je vous retrouve pour cette vidéo concernant la pleine lune du 13 janvier 2025. Donc petit clin d'œil à mon fils qui est né en 13 janvier et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en 13 janvier. Alors concernant cette lune, donc elle aura lieu la pleine lune en lundi 13 janvier 2025 à 24 degrés du signe du cancer à 22h28 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à 23h27, retenez 23h30 en France et dans les environs. Lorsqu'une pleine lune en cancer se crée, eh bien le soleil est en capricorne et la lune se situe juste en face au degré près sur le zodiaque en cancer. C'est donc une opposition soleil-lune. Et en général, quand on a une pleine lune en cancer, eh bien, elle nous invite à trouver l'équilibre entre notre vie privée et notre vie sociale ou professionnelle. Alors, quand on regarde ces cartes du ciel que je vous ai mises là dans le coin de l'écran, eh bien, cette pleine lune en cancer du 13 janvier, qu'est-ce que l'on voit dans ce ciel? Eh bien, elle est liée à l'opposition Mars-Pluton qui est toujours présente, hein, qui était très tendue début janvier, mais là, elle est toujours un peu présente, mais elle est en train de se défaire, elle est moins précise. Et vous avez également donc notre pleine lune qui est bien reliée, par contre, à Uranus et à Neptune. Alors, par rapport à la tension qu'on a peut-être ressentie dernièrement, eh bien, on va se sentir normalement un petit peu plus souple et sans doute moins nerveux, nerveuse. Et en même temps, on ne sera quand même pas moins courageux. On aura quand même encore de fortes envies de progresser dans tous nos projets. Et en plus, normalement, on ne devrait pas manquer ni d'inspiration, ni d'audace pour concrétiser nos souhaits. Mais en même temps, dans ce ciel de pleine lune, on remarque que Mercure est en Capricorne et que Mars, lui, en Cancer, donc près de la Lune, il est toujours rétrograde. Et cela, tout cela, eh bien, nous incite sans doute à réfléchir sur ce que nous mettons en place. Donc, les choses vont se réorganiser dans notre tête, mais on ne sera pas tout à fait dans l'action directe. On sera davantage dans la réflexion. Alors, je dirais que du coup, il est possible aussi que des sentiments refoulés remontent à la surface. Et donc, le conseil numéro 1 de cette lune, eh bien, c'est de profiter de cette pleine lune pour faire le tri, déjà, dans nos motivations. Cette pleine lune, elle va représenter pour nous une étape, une marche de plus vers un projet, vers une création qui prend forme. Donc, il faut poser les pierres de notre édifice une à une, il n'en sera que plus solide. La pleine lune, elle nous pousse, si nécessaire aussi, à faire le grand ménage, donc pour certains, de ce qui a, entre ce qui doit être jeté, mis aux oubliettes carrément, et ce qui doit être relancé ou bien peaufiné. Voilà le premier grand message de ce ciel de pleine lune du 13 janvier. Maintenant, on peut noter également que certains pourraient recevoir des encouragements au moment de cette pleine lune. Mais attention, parce que ce ne serait pas une fin en soi, ce serait justement, si vous avez des encouragements, si vous commencez à recevoir les fruits de votre travail en cette pleine lune, eh bien, ce serait pour poursuivre ce travail, pour poursuivre vos démarches, même si c'est dur, même si c'est à la force du poignet, vous devrez accepter de poursuivre, de continuer, de ne pas obtenir des résultats dans l'immédiat. Et donc, d'ailleurs, on voit que le nœud nord ici en poisson, il fait penser à ce conseil qui est sans doute le conseil numéro 2 de cette pleine lune. Eh bien, le conseil, il est de patienter. Il est, en fait, d'accepter que là où les situations que vous êtes en train de gérer, qui vous préoccupent actuellement, eh bien, n'évoluent pas rapidement. Ce sera donc le moment de méditer sur vos projets, sur vos envies. Et surtout, dans cette méditation, eh bien, faites appel à la confiance en vous, celle qui va vous permettre d'aller rechercher toutes vos ressources intérieures pour poursuivre le bon chemin. En bref, c'est une pleine lune qui vous guide, qui nous guide vers une étape suivante, mais qui ne représente pas encore un aboutissement, même si nous nous en rapprochons. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune.